Les caractères de Jean de la Bruyère. Chapitre 15. Des esprits forts. Les esprits forts savent-ils qu'on les appelle ainsi par ironie ? Quelle plus grande faiblesse que d'être incertain quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, et quelle en doit être la fin ? Quel découragement plus grand que de douter si son âme n'est point matière comme la pierre et le reptile, et si elle n'est point corruptible comme ces viles créatures. N'y a-t-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l'idée d'un être supérieur à tous les êtres, qui les a tous faits et à qui tous se doivent rapporter ? D'un être souverainement parfait, qui est pur, qui n'a point commencé et qui ne peut finir, dont notre âme est l'image, et si j'ose dire, une portion comme esprit et comme immortel. Le docile et le faible sont susceptibles d'impressions. L'un en reçoit de bonnes, l'autre de mauvaises, c'est-à-dire que le premier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et corrompu. Ainsi l'esprit docile admet la vraie religion, et l'esprit faible ou n'en admet aucune, ou en admet une fausse. Or l'esprit fort ou n'a point de religion, ou se fait une religion. Donc l'esprit fort, c'est l'esprit faible. J'appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont l'esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde qu'ils habitent, qui est la terre, qui n'estiment rien, qui n'aiment rien au-delà, gens aussi limités que ce qu'ils appellent leur possession ou leur domaine, que l'on mesure, dont on compte les arpents et dont on montre les bornes. Je ne m'étonne pas que des hommes qui s'appuient sur un atome chancellent dans les moindres efforts qu'ils font pour sonder la vérité, si, avec des vues si courtes, ils ne percent point à travers le ciel et les astres, jusque à Dieu même, si, ne s'apercevant point ou de l'excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de l'âme, ils ressentent encore moins combien elle est difficile à assouvir, combien la terre entière est au-dessous d'elle, de quelle nécessité lui devient un être souverainement parfait, qui est Dieu, et quel besoin indispensable elle a d'une religion qui le lui indique et qui lui en est une caution sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu'il est naturel à de tels esprits de tomber dans l'incrédulité ou l'indifférence et de faire servir Dieu et la religion à la politique, c'est-à-dire à l'ordre et à la décoration de ce monde, la seule chose, selon eux, qui mérite qu'on y pense. Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages et perdent le peu de religion qui leur restait. Ils voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies. Ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes qu'ils veulent acheter. Le grand nombre de celles qu'on leur montre les rend plus indifférents. Elles ont chacune leur agrément et leur bienséance. Ils ne se fixent point, ils sortent sans emplette. Il y a des hommes qui attendent à être dévots et religieux que tout le monde se déclare impie et libertin. Ce sera alors le parti du vulgaire, ils sauront s'en dégager. La singularité leur plaît dans une matière si sérieuse et si profonde. Ils ne suivent la mode et le train commun que dans les choses de rien et de nulle suite. Qui sait même s'ils n'ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d'intrépidité à courir tout le risque de l'avenir. Il ne faut pas d'ailleurs que dans une certaine condition et avec une certaine étendue d'esprit et de certaines vues, l'on songe à croire comme les savants et le peuple. L'on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l'on doute que ce soit péché que d'avoir un commerce avec une personne libre. Quand l'on devient malade et que l'hydropisie est formée, l'on quitte sa concubine et l'on croit en Dieu. Il faudrait s'éprouver et s'examiner très sérieusement avant que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au moins, et selon ses principes, de finir comme l'on a vécu. Et si l'on ne se sent pas la force d'aller si loin, se résoudre de vivre comme l'on veut mourir. Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place. Si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste. C'est une extrême misère que de donner à ses dépens à ceux que l'on laisse le plaisir d'un bon mot. Dans quelque prévention où l'on puisse être sur ce qui doit suivre la mort, c'est une chose bien sérieuse que de mourir. Ce n'est point alors le badinage qui sied bien, mais la constance. Il y a eu de tout temps de ces gens d'un bel esprit et d'une agréable littérature, esclaves des grands dont ils ont épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie contre leur propre lumière et contre leur conscience. Ces hommes n'ont jamais vécu que pour d'autres hommes. Ils semblent les avoir regardés comme leur dernière fin. Ils ont eu honte de se sauver à leurs yeux, de paraître tels qu'ils étaient peut-être dans le cœur, et ils se sont perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc sur la terre des grands assez grands, des puissants assez puissants, pour mériter de nous que nous croyions et que nous vivions à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous poussions la complaisance plus loin, en mourant non de la manière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plaît davantage. J'exigerai de ceux qui vont contre le train commun et les grandes règles, qu'ils sussent plus que les autres, qu'ils eussent des raisons claires, et de ces arguments qui emportent conviction. Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équitable, prononcer qu'il n'y a point de Dieu. Il parlerait du moins sans intérêt, mais cet homme ne se trouve point. J'aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait persuadé que Dieu n'est point. Il me dirait du moins la raison invincible qui a su le convaincre. L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu n'est pas me découvre son existence. Dieu condamne et punit ceux qui l'offensent, seul juge en sa propre cause. Ce qui répugne, s'il n'est lui-même la justice et la vérité, c'est-à-dire s'il n'est Dieu. Je sens qu'il y a un Dieu, et je ne sens pas qu'il n'y en ait point. Cela me suffit. Tout le raisonnement du monde m'est inutile. Je conclus que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma nature. J'en ai reçu les principes trop aisément dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop naturellement dans un âge plus avancé pour les soupçonner de fausseté. Mais il y a des esprits qui se défont de ces principes. C'est une grande question s'ils s'en trouvent de tels. Et quand ils seraient ainsi, cela prouve seulement qu'il y a des monstres. L'athéisme n'est point. Les grands, qui en sont le plus soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu n'est pas. Leur indolence va jusqu'à les rendre froids et indifférents sur cet article si capital comme sur la nature de leur âme et sur les conséquences d'une vraie religion. Ils ne nient ces choses, ni ne les accordent. Ils n'y pensent point. Nous n'avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos forces et de tout notre esprit pour penser aux hommes au plus petit intérêt. Il semble au contraire que la bienséance et la coutume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans un état où il ne reste en nous qu'autant de raisons qu'il faut pour ne pas dire qu'il n'y en a plus. Un grand croit s'évanouir et il meurt. Un autre grand périt insensiblement et perd chaque jour quelque chose de soi-même avant qu'il soit éteint. Formidable leçon, mais inutile. Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne se relèvent point et ne touchent personne. Les hommes n'y font pas plus d'attention qu'à une fleur qui se fane ou à une feuille qui tombe. Ils envient les places qui demeurent vacantes ou ils s'informent si elles sont remplies et par qui. Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équitables pour mériter toute notre confiance et ne nous pas faire désirer du moins que Dieu existât, à qui nous puissions appeler de leur jugement et avoir recours quand nous en sommes persécutés ou trahis. Si c'est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts, mais de faibles génies et de petits esprits. Et si c'est au contraire ce qu'il y a d'humble et de simple qui les rebute, ils sont à la vérité des esprits forts et plus forts que tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles que les Léons, les Basiles, les Jérômes, les Augustins. Un père de l'Église, un docteur de l'Église, quel nom, quelle tristesse dans leurs écrits, quelle sécheresse, quelle froide dévotion, et peut-être quelle scolastique, disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel étonnement pour tous ceux qui se sont fait une idée des pères si éloignés de la vérité, s'ils voyaient dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus de politesse et d'esprit, plus de richesse d'expression et plus de force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces plus naturelles que l'on en remarque dans la plupart des livres de ce temps qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs auteurs. Quel plaisir d'aimer la religion et de la voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies et par de si solides esprits. Surtout lorsque l'on vient à connaître que pour l'étendue de connaissances, pour la profondeur et la pénétration, pour les principes de la pure philosophie, pour leur application et leur développement, pour la justesse des conclusions, pour la dignité du discours, pour la beauté de la morale et des sentiments, il n'y a rien, par exemple, que l'on puisse comparer à saint Augustin, que Platon et que Cicéron. L'homme est né menteur. La vérité est simple et ingénue, et il veut du spécieux et de l'ornement. Elle n'est pas à lui, elle vient du ciel, toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa perfection. Et l'homme n'aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple, il controuve, il augmente, il charge par grossièreté et par sottise. Demandez même au plus honnête homme s'il est toujours vrai dans ses discours, s'il ne se surprend pas quelquefois dans des déguisements où engage nécessairement la vanité et la légèreté, si pour faire un meilleur compte, il ne lui échappe pas souvent d'ajouter à un fait qu'il récite une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujourd'hui et presque sous nos yeux. 100 personnes qui l'ont vue la racontent en 100 façons différentes. Celui-ci, s'il est écouté, la dira encore d'une manière qui n'a pas été dite. Quelle créance, donc, pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles ? Quel fondement dois-je faire sur les plus graves historiens ? Que devient l'histoire ? César a-t-il été massacré au milieu du Sénat ? Y a-t-il eu un César ? Quelles conséquences, me dites-vous ? Quels doutes ? Quelles demandes ? Vous riez, vous ne me jugez pas digne d'aucune réponse, et je crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César ne soit pas un livre profane, écrit de la main des hommes qui sont menteurs, trouvés par hasard dans les bibliothèques, parmi d'autres manuscrits qui contiennent des histoires vraies ou apocryphes, qu'au contraire il soit inspiré, saint, divin, qu'il porte en soi ses caractères, qu'il se trouve depuis près de 2000 ans dans une société nombreuse, qui n'a pas permis qu'on y ait fait pendant tout ce temps la moindre altération, et qui s'est fait une religion de le conserver dans toute son intégrité, qu'il y ait même un engagement religieux et indispensable d'avoir de la foi pour tous les faits contenus dans ce volume où il est parlé de César et de sa dictature. Avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu'il y ait eu un César. Toute musique n'est pas propre à louer Dieu et à être entendue dans le sanctuaire. Toute philosophie ne parle pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de ses opérations et de ses mystères. Plus cette philosophie est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne demandent des hommes qu'un sens droit pour être connues jusque à un certain point et qui, au-delà, sont inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu, de ses perfections, et si j'ose ainsi parler de ses actions, c'est aller plus loin que les anciens philosophes, que les apôtres, que les premiers docteurs, mais ce n'est pas rencontrer si juste. C'est creuser longtemps et profondément, sans trouver les sources de la vérité. Dès qu'on a abandonné les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de toute puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque grand effort d'imagination qu'on puisse faire, il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides de sens, admettre les pensées creuses, écarter des notions communes, ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses, et à mesure que l'on acquiert d'ouverture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa religion. Jusque où les hommes ne se portent-ils point par l'intérêt de la religion dont ils sont si peu persuadés et qu'ils pratiquent si mal ? Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l'altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers. Ils y ajoutent et ils en retranchent 1000 choses, souvent essentielles, selon ce qui leur convient. Et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu'ils lui ont donnée. Ainsi, à parler populairement, on peut dire d'une seule nation qu'elle vit sous un même culte et qu'elle n'a qu'une seule religion. Mais à parler exactement, Il est vrai qu'elle en a plusieurs et que chacun presque y a la sienne. De sortes de gens fleurissent dans les cours et y dominent, dans divers temps, les libertins et les hypocrites. Cela gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimulation. Ceci finement, par des artifices, par la cabale. 100 fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu'à l'excès. Ils veulent la gouverner, la posséder seule, la partager entre eux et en exclure tout autre. Dignité, charge, poste, bénéfice, pension, honneur, tout leur convient et ne convient qu'à eux. Le reste des hommes en est indigne, ils ne comprennent point que sans leur attache, on ait l'impudence de les espérer. Une troupe de masques entre dans un bal, ont-ils la main, ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent toujours, ils ne rendent la main à personne de l'assemblée, quelque digne qu'elle soit de leur attention. On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point, quelques-uns murmurent, les plus sages prennent leur parti et s'en vont. Il y a 2 espèces de libertins, les libertins, ceux du moins qui croient l'être, et les hypocrites ou faux dévots, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas être crus, libertins. Les derniers dans ce genre-là sont les meilleurs. Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu ou se moque de Dieu. Parlons de lui obligeamment, il ne croit pas en Dieu. Si toute religion est une crainte respectueuse de la divinité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image, qui est le prince? Si l'on nous assurait que le motif secret de l'ambassade des Siamois a été d'exciter le roi très chrétien à renoncer au christianisme, à permettre l'entrée de son royaume au Talapoint, qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes par leurs livres et par leurs entretiens, qui eussent élevé des pagodes au milieu des villes où ils eussent placé des figures de métal pour être adorés, avec quelles risées et quel étrange mépris n'entendrions-nous pas des choses si extravagantes? Nous faisons cependant 6 000 lieues de mer pour la conversion des Indes, des royaumes de Siam, de la Chine et du Japon, c'est-à-dire pour faire très sérieusement à tous ces peuples des propositions qui doivent leur paraître très folles et très ridicules. Ils supportent néanmoins nos religieux et nos prêtres. Ils les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises et faire leur mission. Qui fait cela en eux et en nous? Ne serait-ce point la force de la vérité? Il ne convient pas à toutes sortes de personnes de lever l'étendard d'aumônier et d'avoir tous les pauvres d'une ville assemblés à sa porte, qui reçoivent leur portion. Qui ne sait pas, au contraire, des misères plus secrètes qu'il peut entreprendre de soulager, ou immédiatement, ou par ses secours, ou du moins par sa médiation. De même, il n'est pas donné à tous de monter en chair et d'y distribuer en missionnaire ou en catéchiste la parole sainte. Mais qui n'a pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire et à ramener par de douces et insinuantes conversations à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que l'apôtre d'un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre, ni lui être un fardeau inutile. Il y a 2 mondes, l'un où l'on séjourne peu et dont l'on doit sortir pour n'y plus rentrer, l'autre où l'on doit bientôt entrer pour n'en jamais sortir. La faveur, l'autorité, les amis, la haute réputation, les grands biens servent pour le premier monde. Le mépris de toutes ces choses sert pour le second. Il s'agit de choisir. Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle. Même soleil, même terre, même monde, même sensation, rien ne ressemble mieux à aujourd'hui que demain. Il y aurait quelque curiosité à mourir, c'est-à-dire à n'être plus un corps, mais à être seulement esprit. L'homme, cependant, impatient de la nouveauté, n'est point curieux sur ce seul article. Né inquiet et qui s'ennuie de tout, il ne s'ennuie point de vivre. Il consentirait peut-être à vivre toujours. Ce qu'il voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu'il en sait. La maladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de la connaissance d'un autre monde. Il faut tout le sérieux de la religion pour le réduire. Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours vivre, après avoir médité profondément ce que c'est que de ne voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à l'ennui, à la maladie ou de n'essayer des richesses, de la grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour les voir changer inviolablement et par la révolution des temps en leur contraire, et être ainsi le jouet des biens et des maux, l'on ne saurait guère à quoi se résoudre. La nature nous fixe et nous ôte l'embarras de choisir, et la mort qu'elle nous rend nécessaire est encore adoucie par la religion. Si ma religion était fausse, je l'avoue, voilà le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'imaginer. Il était inévitable de ne pas donner tout au travers et de n'y être pas pris. Quelle majesté, quel éclat des mystères, quelle suite et quel enchaînement de toute la doctrine, quelle raison éminente, quelle candeur, quelle innocence de vertu, quelle force invincible et accablante des témoignages rendus successivement et pendant 3 siècles entiers par des millions de personnes les plus sages, les plus modérées qui fussent alors sur la terre, et que le sentiment d'une même vérité soutient dans l'exil, dans les fers, contre la vue de la mort et du dernier supplice. Prenez l'histoire, ouvrez, remontez jusqu'au commencement du monde, jusqu'à la veille de sa naissance. Y a-t-il eu rien de semblable dans tous les temps? Dieu même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire? Par où échapper? Où aller? Où me jeter? Je ne dis pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui en approche. S'il faut périr, c'est par là que je veux périr. Il m'est plus doux de nier Dieu que de l'accorder avec une tromperie si spécieuse et si entière. Mais je l'ai approfondi. Je ne puis être athée. Je suis donc ramené et entraîné dans ma religion, sans effet. La religion est vraie ou elle est fausse. Si elle n'est qu'une vaine fiction, voilà, si l'on veut, 60 années perdues pour l'homme de bien, pour le chartreux ou le solitaire. Il ne court pas un autre risque. Mais si elle est fondée sur la vérité même, c'est alors un épouvantable malheur pour l'homme vicieux. L'idée seule des maux qu'il se prépare me trouble l'imagination. La pensée est trop faible pour les concevoir et les paroles trop vaines pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le monde moins de certitude qu'il ne s'en trouve en effet sur la vérité de la religion, il n'y a point pour l'homme un meilleur parti que la vertu. Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu'on s'efforce de le leur prouver et qu'on les traite plus sérieusement que l'on a fait dans ce chapitre. L'ignorance, qui est leur caractère, les rend incapables des principes les plus clairs et des raisonnements les mieux suivis. Je consens néanmoins qu'ils lisent celui que je vais faire, pourvu qu'ils ne se persuadent pas que c'est tout ce que l'on pouvait dire sur une vérité si éclatante. Il y a 40 ans que je n'étais point, et qu'il n'était pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas de moi, qui suis une fois, de n'être plus. J'ai donc commencé, et je continue d'être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi, si ce quelque chose n'est pas Dieu, qu'on me dise ce que c'est. Peut-être que moi qui existe, n'existe ainsi que par la force d'une nature universelle, qui a toujours été telle que nous la voyons, en remontant jusqu'à l'infinité des temps. Mais cette nature, où elle est seulement esprit, et c'est Dieu, où elle est matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit, où elle est un composé de matière et d'esprit, et alors ce qui est esprit dans la nature, je l'appelle Dieu. Peut-être aussi que ce que j'appelle mon esprit n'est qu'une portion de matière qui existe par la force d'une nature universelle qui est aussi matière, qui a toujours été et qui sera toujours telle que nous la voyons, et qui n'est point Dieu. Mais du moins faut-il m'accorder que ce que j'appelle mon esprit, quelque chose que ce puisse être, est une chose qui pense, et que s'il est matière, il est nécessairement une matière qui pense. Car l'on ne me persuadera point qu'il n'y a pas en moi quelque chose qui pense pendant que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui est en moi et qui pense, s'il doit son être et sa conservation à une nature universelle qui a toujours été et qui sera toujours, laquelle ils reconnaissent comme sa cause, il faut indispensablement que ce soit à une nature universelle, ou qui pense, ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui pense. Et si cette nature, ainsi faite, est matière, l'on doit encore conclure que c'est une matière universelle qui pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense. Je continue et je dis, cette matière telle qu'elle vient d'être supposée, si elle n'est pas un être chimérique, mais réel, n'est pas aussi imperceptible à tous les sens. Et si elle ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du moins dans le divers arrangement de ses parties qui constituent les corps et qui en fait la différence. Elle est donc elle-même tous ces différents corps. Et comme elle est une matière qui pense selon la supposition ou qui vaut mieux que ce qui pense, il s'ensuit qu'elle est telle du moins selon quelques-uns de ses corps et par suite nécessaire selon tous ses corps, c'est-à-dire qu'elle pense dans les pierres, dans les métaux, dans les mers, dans la terre, dans moi-même, qui ne suis qu'un corps, comme dans toutes les autres parties qui la composent. C'est donc à l'assemblage de ces parties si terrestres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble sont la matière universelle, ou ce monde visible, que je dois ce quelque chose qui est en moi qui pense et que j'appelle mon esprit, ce qui est absurde. Si au contraire, cette nature universelle, quelque chose que ce puisse être, ne peut pas être tous ses corps, ni aucun de ses corps, il suit de là qu'elle n'est point matière, ni perceptible par aucun des sens. Si cependant elle pense, ou si elle est plus parfaite que ce qui pense, je conclus encore qu'elle est esprit, ou un être meilleur et plus accompli que ce qui est esprit. Si d'ailleurs il ne reste plus à ce qui pense en moi, et que j'appelle mon esprit, que cette nature universelle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa première cause et son unique origine, parce qu'il ne trouve point son principe en soi et qu'il le trouve encore moins dans la matière, ainsi qu'il a été démontré, alors je ne dispute point des noms, mais cette source originaire de tout esprit, qui est esprit elle-même et qui est plus excellente que tout esprit, je l'appelle Dieu. En un mot, je pense, donc Dieu existe. Car ce qui pense en moi, je ne le dois point à moi-même, parce qu'il n'a pas plus dépendu de moi que de me le donner une première fois, qu'il dépend encore de moi de me le conserver un seul instant. Je ne le dois point à un être qui soit au-dessus de moi et qui soit matière, puisqu'il est impossible que la matière soit au-dessus de ce qui pense. Je le dois donc à un être qui est au-dessus de moi et qui n'est point matière, et c'est Dieu. De ce qu'une nature universelle qui pense exclut de soi généralement tout ce qui est matière, il suit nécessairement qu'un être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi la moindre matière. Car bien qu'un être universel qui pense renferme dans son idée infiniment plus de grandeur, de puissance, d'indépendance et de capacité qu'un être particulier qui pense, il ne renferme pas néanmoins une plus grande exclusion de matière. Puisque cette exclusion dans l'un et l'autre de ces deux êtres est aussi grande qu'elle peut être et comme infinie, et qu'il est autant impossible que ce qui pense en moi soit matière, qu'il est inconcevable que Dieu soit matière. Ainsi comme Dieu est esprit, mon âme aussi est esprit. Je ne sais point si le chien choisit, s'il se ressouvient, s'il affectionne, s'il craint, s'il imagine, s'il pense. Quand donc l'on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passion ni sentiment, mais l'effet naturel et nécessaire de la disposition de sa machine préparée par le divers arrangement des parties de la matière, je puis au moins acquiescer à cette doctrine. Mais je pense et je suis certain que je pense. Or, quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangement des parties de la matière, c'est-à-dire d'une étendue selon toutes ses dimensions qui est longue, large et profonde, et qui est divisible dans tous ses sens avec ce qui pense. Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans tous les autres hommes, n'est qu'un effet de l'arrangement des parties de la matière, qui a mis dans le monde toute autre idée que celle des choses matérielles? La matière a-t-elle dans son fond une idée aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle que celle de l'esprit? Comment peut-elle être le principe de ce qui la nie et l'exclut de son propre être? Comment est-elle dans l'homme ce qui pense, c'est-à-dire ce qui est à l'homme même une conviction qu'il n'est point matière? Il y a des êtres qui durent peu, parce qu'ils sont composés de choses très différentes et qui se nuisent réciproquement. Il y en a d'autres qui durent davantage parce qu'ils sont plus simples, mais ils périssent parce qu'ils ne laissent pas d'avoir des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi doit durer beaucoup parce que c'est un être pur, exempt de tout mélange et de toute composition. et il n'y a pas de raison qu'ils doivent périr, car qui peut corrompre ou séparer un être simple et qui n'a point de parti ? L'âme voit la couleur par l'organe de l'œil et entend les sons par l'organe de l'oreille. Mais elle peut cesser de voir ou d'entendre quand ses sens ou ses objets lui manquent, sans que pour cela elle cesse d'être, parce que l'âme n'est point précisément ce qui voit la couleur ou ce qui entend les sons, elle n'est que ce qui pense. Or, comment peut-elle cesser d'être telle ? Ce n'est point par le défaut d'organe, puisqu'il est prouvé qu'elle n'est point matière, ni par le défaut d'objet, tant qu'il y aura un Dieu et d'éternelles vérités. Elle est donc incorruptible. Je ne conçois point qu'une âme que Dieu a voulu remplir de l'idée de son être infini et souverainement parfait doive être anéantie. Voyez, Lucile, ce morceau de terre plus propre et plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës. Ici, ce sont des compartiments mêlés d'eau plate et d'eau jaillissante, là, des allées en palissade qui n'ont pas de fin et qui vous couvrent des vents du nord. D'un côté, c'est un bois épais qui défend de tous les soleils, et d'un autre, un beau point de vue. Plus bas, une yvette ou un lignon qui coulait obscurément entre les saules et les peupliers est devenu un canal qui est revêtu. Ailleurs, de longues et fraîches avenues se perdent dans la campagne et annoncent la maison qui est entourée d'eau. Vous récrirez-vous, quel jeu de hasard, combien de belles choses se sont rencontrées ensemble inopinément ? Non, sans doute, vous direz au contraire, cela est bien imaginé et bien ordonné, il règne ici un bon goût et beaucoup d'intelligence. Je parlerai comme vous et j'ajouterai que ce doit être la demeure de quelqu'un de ces gens chez qui un autre va tracer et prendre des alignements dès le jour même qu'ils sont en place. Qu'est-ce pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée et où tout l'art d'un ouvrier habile a été employé pour l'embellir ? Si même toute la terre n'est qu'un atome suspendu en l'air, et si vous écoutez ce que je vais dire. Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome. Il faut donc que vous soyez bien petit, car vous n'y occupez pas une grande place. Cependant, vous avez des yeux, qui sont deux points imperceptibles. Ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel. Qu'y apercevez-vous, quelquefois ? La lune, dans son plein. Elle est belle, alors, et fort lumineuse, quoique sa lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil. Elle paraît grande comme le soleil, plus grande que les autres planètes et qu'aucune des étoiles. Mais ne vous laissez pas tromper par les dehors. Il n'y a rien au ciel de si petit que la lune. Sa superficie est 13 fois plus petite que celle de la Terre. Sa solidité, 48 fois, et son diamètre de 750 lieues n'est que le quart de celui de la Terre. Aussi est-il vrai qu'il n'y a que son voisinage qui lui donne une si grande apparence, puisqu'elle n'est guère plus éloignée de nous que de 30 fois le diamètre de la Terre, ou que sa distance n'est que de 100 000 lieues. Elle n'a presque pas même de chemin à faire en comparaison du vaste tour que le soleil fait dans les espaces du ciel, car il est certain qu'elle n'achève par jour que 540 000 lieues. Ce n'est par heure que 22 500 lieues et 375 lieues par minute. Il faut néanmoins pour accomplir cette course qu'elle aille 5 600 fois plus vite qu'un cheval de poste, qui ferait 4 lieues par heure, qu'elle vole 80 fois plus légèrement que le son, que le bruit par exemple du canon ou du tonnerre, qui parcourt en 1 heure 276 lieues. Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur, pour l'éloignement, pour la course ! Vous verrez qu'il n'en a aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de la Terre. Il est de 3 000 lieues. Celui du soleil est 100 fois plus grand. Il est donc de 300 000 lieues. Si c'est là sa largeur en tous sens, quelle peut être toute sa superficie ? Quelle sa solidité ? Comprenez-vous bien cette étendue ? Et qu'un million de terres comme la nôtre ne seraient toutes ensemble pas plus grosses que le soleil ? Quel est donc, direz-vous, son éloignement, si l'on en juge par son apparence ? Vous avez raison, il est prodigieux. Il est démontré qu'il ne peut pas y avoir de la Terre au Soleil moins de 10 000 diamètres de la Terre, autrement moins de 30 millions de lieues. Peut-être y a-t-il 4 fois, 6 fois, 10 fois plus loin. On n'a aucune méthode pour déterminer cette distance. Pour aider seulement votre imagination à se la représenter, supposons une meule de moulin qui tombe du Soleil sur la Terre. Donnons-lui la plus grande vitesse qu'elle soit capable d'avoir, celle même que n'ont pas les corps tombant de fort haut. Supposons encore qu'elle conserve toujours cette même vitesse, sans en acquérir et sans en perdre. Qu'elle parcourt 15 toises par chaque seconde de temps, c'est-à-dire la moitié de l'élévation des plus hautes tours, et ainsi 900 toises en une minute. Passons-lui 1000 toises en une minute, pour une plus grande facilité. 1000 toises font une demi-lieue commune. Ainsi, en 2 minutes, la meule fera 1 lieue, et en 1 heure, elle en fera 30, et en 1 jour, elle fera 720 lieues. Or, elle a 30 millions à traverser avant que d'arriver à terre. Il lui faudra donc 41 666 jours, qui sont plus de 114 années, pour faire ce voyage. Ne vous effrayez pas, Lucile. Écoutez-moi. La distance de la Terre à Saturne est au moins décuple de celle de la Terre au Soleil. C'est vous dire qu'elle ne peut être moindre que de 300 millions de lieues, et que cette pierre emploierait plus d'1140 ans pour tomber de Saturne en Terre. Par cette élévation de Saturne, élevez-vous-même, si vous le pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit être l'immensité du chemin qu'il parcourt chaque jour au-dessus de nos têtes. Le cercle Saturne décrit à plus de 600 millions de lieues de diamètre, et par conséquent plus de 1800 millions de lieues de circonférence. Un cheval anglais qui ferait 10 lieues par heure n'aurait à courir que 25 548 ans pour faire ce tour. Je n'ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce monde visible ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du hasard que vous admettez seul pour la cause première de toute chose. Il est encore un ouvrier plus admirable que vous ne pensez. Connaissez le hasard. Laissez-vous instruire de toute la puissance de votre Dieu. Savez-vous que cette distance de 30 millions de lieues qu'il y a de la Terre au Soleil et celle de 300 millions de lieues de la Terre à Saturne sont si peu de choses comparées à l'éloignement qu'il y a de la Terre aux étoiles, que ce n'est pas même d'énoncer assez juste que de se servir, sur le sujet de ces distances, du terme de comparaison. Quelle proportion à la vérité de ce qui se mesure, quelque grand qu'il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas. On ne connaît point la hauteur d'une étoile. Elle est, si j'ose ainsi parler, immensurable. Il n'y a plus ni angle, ni sinus, ni parallaxe dont on puisse s'aider. Si un homme observait à Paris une étoile fixe et qu'un autre la regardât du Japon, les 2 lignes qui partiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu'à cet astre ne feraient pas un angle et se confondraient en une seule et même ligne, tant la Terre entière n'est pas espace par rapport à cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le Soleil. Il faut dire quelque chose de plus. Si 2 observateurs, l'un sur la Terre et l'autre dans le Soleil, observaient en même temps une étoile, les 2 rayons visuels de ces 2 observateurs ne formeraient point d'angle sensible. Pour concevoir la chose autrement, si un homme était situé dans une étoile, notre Soleil, notre Terre, et les 30 millions de lieues qui les séparent, lui paraîtraient un même point. Cela est démontré. On ne sait pas aussi la distance d'une étoile d'avec une autre étoile, quelque voisine qu'elle nous paraisse. Les Pléiades se touchent presque, à en juger par nos yeux. Une étoile paraît assise sur l'une de celles qui forment la queue de la grande ours. À peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie du ciel qui les sépare. C'est comme une étoile qui paraît double. Si cependant tout l'art des astronomes est inutile pour en marquer la distance, que doit-on penser de l'éloignement de 2 étoiles qui, en effet, paraissent éloignées l'une de l'autre, et à plus forte raison, des 2 polaires? Quelle est donc l'immensité de la ligne qui passe d'une polaire à l'autre? Et que sera-ce que le cercle dont cette ligne est le diamètre? Mais n'est-ce pas quelque chose de plus que de sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du globe, dont ce cercle n'est qu'une section? Serons-nous encore surpris que ces mêmes étoiles, si démesurées dans leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins que comme des étincelles? N'admirerons-nous pas plutôt que d'une hauteur si prodigieuse, elles puissent conserver une certaine apparence et qu'on ne les perde pas toutes de vue? Il n'est pas aussi imaginable combien il nous en échappe. On fixe le nombre des étoiles, oui, de celles qui sont apparentes. Le moyen de compter celles qu'on n'aperçoit point, celle, par exemple, qui compose la voie de lait, cette trace lumineuse qu'on remarque au ciel dans une nuit sereine, du nord au midi, et qui, par leur extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu'à nos yeux pour être vues chacune en particulier, ne font au plus que blanchir cette route des cieux où elles sont placées. Me voilà donc sur la terre comme un grain de sable qui ne tient à rien et qui est suspendu au milieu des airs. Un nombre presque infini de globes de feu, d'une grandeur inexprimable et qui confond l'imagination, d'une hauteur qui surpasse nos conceptions, tournent, roulent autour de ce grain de sable et traversent chaque jour, depuis plus de 6000 ans, les vastes et immenses espaces des cieux. Voulez-vous un autre système et qui ne diminue rien du merveilleux ? La Terre elle-même est emportée avec une rapidité inconcevable autour du Soleil, le centre de l'univers. Je me les représente, tous ces globes, ces corps effroyables qui sont en marche. Ils ne s'embarrassent point l'un l'autre, ils ne se choquent point, ils ne se dérangent point. Si le plus petit de tous venait à se démentir et à rencontrer la Terre, que deviendrait la Terre ? Tous, au contraire, sont en leur place, demeurent dans l'ordre qui leur est prescrit, suivent la route qui leur est marquée, et si paisiblement à notre égard que personne n'a l'oreille assez fine pour les entendre marcher, et que le vulgaire ne sait pas s'ils sont au monde. Oh, économie merveilleuse du hasard ! L'intelligence même pourrait-elle mieux réussir ? Une seule chose, Lucile, me fait de la peine. Ces grands corps sont si précis et si constants dans leur marche, dans leurs révolutions et dans tous leurs rapports, qu'un petit animal relégué en un coin de cet espace immense qu'on appelle le monde, après les avoir observés, s'est fait une méthode infaillible de prédire à quel point de leur course tous ces astres se trouveront d'aujourd'hui en 2, en 4, en 20 000 ans. Voilà mon scrupule, Lucile. Si c'est par hasard qu'ils observent des règles si invariables, qu'est-ce que l'ordre ? Qu'est-ce que la règle ? Je vous demanderai même ce que c'est que le hasard. Est-il corps ? Est-il esprit ? Est-ce un être distingué des autres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit quelque part ? Ou plutôt, n'est-ce pas un mode, ou une façon d'être ? Quand une boule rencontre une pierre, l'on dit « c'est un hasard ». Mais est-ce autre chose que ces deux corps qui se choquent fortuitement ? Si par ce hasard ou cette rencontre, la boule ne va plus droit, mais obliquement, si son mouvement n'est plus direct, mais réfléchi, si elle ne roule plus sur son axe, mais qu'elle tournoie et qu'elle pirouette, conclurai-je que c'est par ce même hasard qu'en général la boule est en mouvement ? Ne soupçonnerais-je pas plus volontiers qu'elle se meut, ou de soi-même, ou par l'impulsion du bras qui l'a jetée ? Et parce que les roues d'une pendule sont déterminées l'une par l'autre à un mouvement circulaire d'une telle ou telle vitesse, examinerai-je moins curieusement quelle peut être la cause de tous ces mouvements, s'ils se font d'eux-mêmes ou par la force mouvante d'un poids qui les emporte ? Mais ni ces roues, ni cette boule n'ont pu se donner le mouvement d'eux-mêmes, ou ne l'ont point par leur nature, s'ils peuvent le perdre sans changer de nature. Il y a donc apparence qu'ils sont mus d'ailleurs, et par une puissance qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s'ils venaient à perdre leur mouvement, changeraient-ils de nature ? Seraient-ils moins de corps ? Je ne me l'imagine pas ainsi. Ils se meuvent cependant, et ce n'est point d'eux-mêmes et par leur nature. Il faudrait donc chercher, ô Lucile, s'il n'y a point hors d'eux un principe qui les fait mouvoir. Qui que vous trouviez, je l'appelle Dieu. Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouvement, on ne demanderait plus à la vérité qui les met en mouvement, mais on serait toujours reçu à demander qui a fait ces corps, comme on peut s'informer qui a fait ces roues ou cette boule. Et quand chacun de ces grands corps serait supposé un amas fortuit d'atomes qui se sont liés et enchaînés ensemble par la figure et la conformation de leurs parties, je prendrais un de ces atomes et je dirais qui a créé cet atome ? Est-il matière ? Est-il intelligence ? A-t-il eu quelque idée de soi-même avant que de se faire soi-même ? Il était donc un moment avant que d'être. Il était et il n'était pas tout à la fois. Et s'il est auteur de son être et de sa manière d'être, pourquoi s'est-il fait corps plutôt qu'esprit ? Bien plus, cet atome n'a-t-il point commencé ? Est-il éternel ? Est-il infini ? Ferez-vous un dieu de cet atome ? Le ciron a des yeux, il se détourne à la rencontre des objets qui lui pourraient nuire. Quand on le met sur de l'ébène pour le mieux remarquer, si dans le temps qu'il marche vers un côté, on lui présente le moindre fétu, il change de route. Est-ce un jeu du hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf optique ? L'on voit dans une goutte d'eau que le poivre qu'on y a mis trempé a altéré un nombre presque innombrable de petits animaux dont le microscope nous fait apercevoir la figure et qui se meuvent avec une rapidité incroyable comme autant de monstres dans une vaste mer. Chacun de ces animaux est plus petit mille fois qu'un ciron, et néanmoins c'est un corps qui vit, qui se nourrit, qui croît, qui doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour distribuer les esprits animaux. Une tache de moisissure, de la grandeur d'un grain de sable, paraît dans le microscope comme un amas de plusieurs plantes très distinctes, dont les unes ont des fleurs, les autres des fruits. Il y en a qui n'ont que des boutons à demi ouverts. Il y en a quelques-unes qui sont fanées. De quelle étrange petitesse doivent être les racines et les filtres qui séparent les aliments de ces petites plantes? Et si l'on vient à considérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi que les chênes et les pins, et que ces petits animaux dont je viens de parler se multiplient par voie de génération, comme les éléphants et les baleines, où cela ne mène-t-il point? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins, qui échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de l'infini comme les cieux, bien que dans l'autre extrémité? Ne serait-ce point celui qui a fait les cieux, les astres, ces masses énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur élévation, par la rapidité et l'étendue de leur course, et qui se joue de les faire mouvoir? Il est de fait que l'homme jouit du soleil, des astres, des cieux, et de leurs influences, comme il jouit de l'air qu'il respire, et de la terre sur laquelle il marche et qui le soutient. Et s'il fallait ajouter à la certitude d'un fait la convenance ou la vraisemblance, elle y est tout entière, puisque les cieux et tout ce qu'ils contiennent ne peuvent pas entrer en comparaison pour la noblesse et la dignité avec le moindre des hommes qui sont sur la terre, et que la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle de la matière incapable de sentiment et qui est seulement une étendue selon trois dimensions à ce qui est esprit, raison ou intelligence. Si l'on dit que l'homme aurait pu se passer à moins pour sa conservation, je réponds que Dieu ne pouvait moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puisque, quelque chose que nous voyons qu'il ait fait, il pouvait faire infiniment davantage. Le monde entier, s'il est fait pour l'homme, est littéralement la moindre chose que Dieu ait fait pour l'homme. La preuve s'en tire du fond de la religion. Ce n'est donc ni vanité ni présomption à l'homme de se rendre sur ses avantages à la force de la vérité. Ce serait en lui stupidité et aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l'enchaînement des preuves dont la religion se sert pour lui faire connaître ses privilèges, ses ressources, ses espérances, pour lui apprendre ce qu'il est et ce qu'il peut devenir. Mais la lune est habitée, il n'est pas du moins impossible qu'elle le soit. Que parlez-vous, Lucile, de la lune, et à quel propos? En supposant Dieu qu'elle est en effet la chose impossible? Vous demandez peut-être si nous sommes les seuls dans l'univers que Dieu ait si bien traité, s'il n'y a point dans la lune, ou d'autres hommes, ou d'autres créatures, que Dieu ait aussi favorisé? Vaine curiosité, frivole demande. La terre, Lucile, est habitée. Nous l'habitons, et nous savons que nous l'habitons. Nous avons nos preuves, notre évidence, nos convictions sur tout ce que nous devons penser de Dieu et de nous-mêmes. Que ceux qui peuplent les globes célestes, quels qu'ils puissent être, s'inquiètent pour eux-mêmes. Ils ont leurs soins et nous les nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune. Vous avez reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hauteur, son étendue, son cours, ses éclipses. Tous les astronomes n'ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux instruments, observez-la avec plus d'exactitude. Voyez-vous qu'elle soit peuplée et de quels animaux? Ressemblent-ils aux hommes? Sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après vous, et si nous sommes convaincus l'un et l'autre que des hommes habitent la lune, examinons alors s'ils sont chrétiens et si Dieu a partagé ses faveurs entre eux et nous. Tout est grand et admirable dans la nature. Il ne s'y voit rien qui ne soit marqué au coin de l'ouvrier. Ce qui s'y voit quelquefois d'irrégulier et d'imparfait suppose règle et perfection. Hommes vains et présomptueux, faites un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous méprisez. Vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud, s'il est possible. Quel excellent maître que celui qui fait des ouvrages. Je ne dis pas que les hommes admirent, mais qu'ils craignent. Je ne vous demande pas de vous mettre à votre atelier pour faire un homme d'esprit, un homme bien fait, une belle femme. L'entreprise est forte et au-dessus de vous. Essayez seulement de faire un bossu, un fou, un monstre. Je suis content. Roi, monarque, potentat, sacré majesté, vous ai-je nommé par tous vos superbes noms, grand de la terre, très haut, très puissant, et peut-être bientôt tout puissant Seigneur, nous autres hommes, nous avons besoin pour nos moissons d'un peu de pluie, de quelque chose de moins, d'un peu de rosée. Faites de la rosée, envoyez sur la terre une goutte d'eau. L'ordre, la décoration, les effets de la nature sont populaires. Les causes, les principes ne le sont point. Demandez à une femme comment un bel œil n'a qu'à s'ouvrir pour voir. Demandez-le à un homme docte. Plusieurs millions d'années, plusieurs centaines de millions d'années, en un mot, tous les temps ne sont qu'un instant. Comparés à la durée de Dieu, qui est éternelle, tous les espaces du monde entier ne sont qu'un point, qu'un léger atome, comparés à son immensité. S'il est ainsi, comme je l'avance, car quelle proportion du fini à l'infini ? Je demande, qu'est-ce que le cours de la vie d'un homme ? Qu'est-ce qu'un grain de poussière qu'on appelle la terre ? Qu'est-ce qu'une petite portion de cette terre que l'homme possède et qu'il habite ? Les méchants prospèrent pendant qu'ils vivent. Quelques méchants, je l'avoue. La vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre. Quelquefois, j'en conviens. C'est une injustice. Point du tout. Il faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu'absolument les méchants sont heureux, que la vertu ne l'est pas et que le crime demeure impuni. Il faudrait du moins que ce peu de temps où les bons souffrent et où les méchants prospèrent eût une durée et que ce que nous appelons prospérité et fortune ne fût pas une apparence fausse et une ombre vaine qui s'évanouit, que cette terre, cet atome où il paraît que la vertu et le crime rencontrent si rarement ce qui leur est dû, fut le seul endroit de la scène où se doivent passer la punition et les récompenses. De ce que je pense, je n'infère pas plus clairement que je suis esprit, que je conclue de ce que je fais ou ne fais point, selon qu'il me plaît, que je suis libre. Or, liberté, c'est choix, autrement une détermination volontaire au bien ou au mal, et ainsi une action bonne ou mauvaise, et ce qu'on appelle vertu ou crime. Que le crime absolument soit impuni, il est vrai, c'est injustice. Qu'il le soit sur la terre, c'est un mystère. Supposons pourtant avec l'athée que c'est injustice. Toute injustice est une négation ou une privation de justice. Donc, toute injustice suppose justice. Toute justice est une conformité à une souveraine raison. Je demande en effet, quand il n'a pas été raisonnable que le crime soit puni, à moins qu'on ne dise que c'est quand le triangle avait moins de trois angles. Or, toute conformité à la raison est une vérité. Cette conformité, comme il vient d'être dit, a toujours été. Elle est donc de celles que l'on appelle des éternelles vérités. Cette vérité, d'ailleurs, ou n'est point, ou ne peut être, ou elle est l'objet d'une connaissance. Elle est donc éternelle, cette connaissance, et c'est Dieu. Les dénouements qui découvrent les crimes les plus cachés, et où la précaution des coupables pour les dérober aux yeux des hommes a été plus grande, paraissent si simples et si faciles qu'il semble qu'il n'y ait que Dieu seul qui puisse en être l'auteur. Et les faits d'ailleurs que l'on en rapporte sont en si grand nombre que s'il plaît à quelques-uns de les attribuer à de purs hasards, il faut donc qu'ils soutiennent que le hasard, de tout temps, a passé en coutume. Si vous faites cette supposition que tous les hommes qui peuplent la terre sans exception soient chacun dans l'abondance et que rien ne leur manque, j'infère de là que nul homme qui est sur la terre n'est dans l'abondance et que tout lui manque. Il n'y a que deux sortes de richesses auxquelles les autres se réduisent, l'argent et les terres. Si tous sont riches, qui cultivera les terres et qui fouillera les mines ? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits. On aura recours au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes abondent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre par son travail, qui transportera d'une région à une autre les lingots ou les choses échangées? Qui mettra des vaisseaux en mer? Qui se chargera de les conduire? Qui entreprendra des caravanes? On manquera alors du nécessaire et des choses utiles. S'il n'y a plus de besoin, il n'y a plus d'art, plus de science, plus d'invention, plus de mécanique. D'ailleurs, cette égalité de possessions et de richesses en établit une autre dans les conditions, bannit toute subordination, réduit les hommes à se servir eux-mêmes et à ne pouvoir être secourus les uns des autres, rend les lois frivoles et inutiles, entraîne une anarchie universelle, attire la violence, les injures, les massacres, l'impunité. si vous supposez au contraire que tous les hommes sont pauvres. En vain le soleil se lève pour eux sur l'horizon. En vain il échauffe la terre et la rend féconde. En vain le ciel verse sur elle ses influences. Les fleuves, en vain, l'arrosent et répandent dans les diverses contrées la fertilité et l'abondance. Inutilement aussi la mer laisse sonder ses abîmes profonds. Les rochers et les montagnes s'ouvrent pour laisser fouiller dans leur sein et en tirer tous les trésors qu'ils y renferment. Mais si vous établissez que de tous les hommes répandus dans le monde, les uns soient riches et les autres pauvres et indigents, vous faites alors que le besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie. Ceux-ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent. Ceux-là jouissent, nourrissent, secours, protège, gouverne, tout ordre est rétabli et Dieu se découvre. Mettez l'autorité, les plaisirs et l'oisiveté d'un côté, la dépendance, les soins et la misère de l'autre. Ou ces choses sont déplacées par la malice des hommes, ou Dieu n'est pas Dieu. Une certaine inégalité dans les conditions qui entretient l'ordre et la subordination est l'ouvrage de Dieu ou suppose une loi divine. Une trop grande disproportion est telle qu'elle se remarque parmi les hommes et leur ouvrage ou la loi des plus forts. Les extrémités sont vicieuses et partent de l'homme. Toute compensation est juste et vient de Dieu. Si on ne goûte point ces caractères, je m'en étonne, et si on les goûte, je m'en étonne de même. Fin des caractères de Jean de la Bruyère.